Cure, In Between Days, ils sont anglais. Eh bien écoutez, on va enchaîner avec les savoirs inutiles et l'Angleterre. RTL2, les savoirs inutiles. Pour briller en société. On rend visite à la reine Elisabeth II. Quand on est une reine, une princesse ou un prince, on ne mange pas forcément ce que l'on veut. Que ce soit au palais de Buckingham ou à l'étranger, la sécurité alimentaire est une priorité pour la famille royale britannique, tout comme l'étiquette. Alors c'est vrai que c'est important, on ne peut pas être malade quand on est en présentation. Il n'y a plus de goûteurs, mais enfin quand même. Si un jour, ça vous concerne toutes et tous, vous êtes invité à la table royale, pourquoi pas après tout, pourquoi pas, sachez que vous n'aurez jamais de fruits de mer à table. Adieu les moules, adieu les homards, adieu les crevettes. C'est une précaution tout simplement pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire à la vibriose, qui est une maladie bactérienne. Vous n'aurez pas le droit non plus à de l'ail, mais ça c'est parce que la reine elle aime pas. D'accord. Voilà, c'est la reine déteste ça et en plus elle trouve que ça sent pas bon. Enfin, dernière règle, après l'absence de fruits de mer et l'absence d'ail, lorsqu'elle a fini son dîner, tout le monde a fini. Lorsqu'elle termine son assiette et pose ses couverts, les autres doivent les poser aussi, qu'ils aient terminé de manger ou pas. Donc vous ne finissez pas après la reine d'Angleterre. Mais pour qui se prend-elle? Tu te prends pour la reine d'Angleterre? Ouais. Parce que je suis la reine d'Angleterre. Voilà. Cette fameuse expression, c'est génial, non? La suite, c'est le nouveau M. Il est tout nouveau, il est déjà sur RTL 2. Vous allez le découvrir en entier juste après les infos de 8h. Il s'appelle Supercherie. Bon début de journée sur RTL 2. Faire un carton, expression française qui signifie que pour le Black Friday sur la Redoute, vous êtes sûr de faire les bons choix. Jusqu'à moins 60% sur les meilleurs produits, des ventes flash tous les jours sur vos marques préférées et moins 10% supplémentaires sur la mode. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année avec la Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Sephora. Le Black Friday.